c'est fou dans vos oreilles. 81. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On chiale contre les cours de Facebook dans le segment Tout le temps de quoi? Moi, je vous parle des nuits polaires un peu plus tard. Assemblage requis, ça commence pas plus tard, maintenant. Ça. Maintenant, ouais. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières en ce mardi 11 janvier 2011. Donc le 11 du 1 2011. 11-1-11, là, c'est que des 1, là. Folie furieuse, tout le monde capote. Il va peut-être arriver de quoi de bizarre aujourd'hui. Peut-être. Je ne sais pas. On va peut-être à nous-mêmes essayer de faire quelque chose de bizarre. Non, du tout. On n'a pas vraiment prévu ça, en fait. Écoute, on n'a même pas besoin d'essayer. On est bizarre en général, c'est ça? Exact. Bon, mais il me semblait que c'était ça. Donc aujourd'hui à l'émission, on n'a pas de chroniqueur. C'est rare que ça arrive. Des fois. Des fois. C'est très, très rare, non? Oh oui, des fois. Ben, la session passée, je sais que le mercredi, c'était un peu plus difficile pour nous. On arrivait souvent à boucher, en fait, à avoir des entrevues. C'est ça, on bouche ou encore on fait des chroniques avec aucun sens pour remplir du temps. Ben non, ça a toujours du sens. OK. Donc, pour les gens qui s'attendent à entendre Maxime Lemieux-Aramé, maintenant, il va être le mercredi à 8h, donc soyez là pour ça. Émilie Gauthier va commencer sa chronique dans sa case horaire du mardi, égale la même case horaire, mais la semaine prochaine, donc c'est pour ça qu'on a personne. Par contre, on a des choses pour remplir les trous. Hein? Ben oui. Oui. On va parler des nuits polaires tantôt. Oui, oui, les nuits polaires, je vais vous parler de la programmation. Qu'est-ce qui s'en vient cette année, les nouveautés? Super. Moi, je vais chialer dans la chronique tout le temps de quoi. Hein. C'est mon petit segment où je chiale sur des choses là, vraiment qui me tiennent à cœur. Par exemple, des cours offerts sur Facebook et Twitter. Des cours de Facebook et de Twitter. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Et c'est cher et ça existe. Puis, en tout cas, ça, on en parlera tantôt. Mais on commence en force aujourd'hui, mon François-Olivier. Ben, pas mon, le François-Olivier Marchand, mettons. Mon. C'est un peu personnel, je trouve. Dis mon. Mon François. Oui. Mon à moi, François-Olivier Marchand. Merci, Mathieu. T'as envie qu'on commence vraiment en force, je le sens. Oui. Fait que voici, il était deux fois. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. À chaque fois, François, je dois t'expliquer le bloc parce que je sais que t'es pas particulièrement vite. Pas. Non, tu retiens pas, c'est ça. Ça colle pas. Je suis pas capable. Non, c'est dur à comprendre. C'est un espèce. C'est tellement complexe à expliquer. Attends, par où est-ce que je pourrais bien commencer? Un artiste. Deux succès. Deux succès. Ah ouais, on est rendu avec des succès. Ben, c'est deux succès, ces deux pièces-là, en fait. Ouais, ouais. C'est des succès relatifs. Oh, oui. Comme il disait dans le bulletin de nouvelles de Radio-Canada avant nous, là, c'est un succès relatif. Mais c'est deux très bonnes chansons. Oui. Et voilà, deux excellentes chansons d'une excellente formation qu'on adore. Formation allemande, je pense. Trick It Machine. Ouais, c'est ça. Ça vient d'Allemagne. C'est ça. C'est nouveau. Ça a commencé en 2011. Uh-huh. Ça fait 11 jours que ça existe. Voilà. Et puis, je pense qu'on est. C'est une primeur qu'on c'est a ça. Assez fou. C'est comme mettez-vous sous le gui, là, on vous embrasse en vous donnant ça. On vous embrasse dans le cou. Bon. D'accord, c'est Tricot Machine qu'on s'en va entendre. Il va y avoir deux pièces. Tout à l'heure, on va avoir une histoire de mitaine, mais on débute avec Ambulance. C'est clair pour tout le monde? Ben oui, je pense que. Bisous. Gros câlin, gros bisous. C'est quoi ça donc? C'était sur la rue Tabaga. Sur la rue Tabaga. Près du boulevard Issel, coin de l'autre. Ah, on a écouté les mêmes émissions. On a à peu près le même âge. Ouais, c'est normal. Tu es plus vieux que toi, je pense, par exemple. Ouais. Et ben, ça paraît, dominant aussi. Ça paraît dans tes pattes d'Ouel. Un jour, je t'aurai. Père de rien. Jeudi 4h30, le klaxon perd patience. Autoroute des caries, y'a plus personne qui avance. Les sirènes se font entendre par intermittence. Entre les tôles brûlantes, surfile une ambulance. Avec collé au cul, une étrange excroissance. Un gars pas mal sensu, dans une Cadillac blanche. Conducteur profiteur, qui se contrebalance. Fait triver au bumper d'un véhicule d'urgence. Tout ce qui compte pour lui, c'est de trouver sa cadence. Que t'attirer profit du mal et de la souffrance. Il ne souhaite qu'une seule chose, c'est de partir en vacances. Le malheur des autres sera sa délivrance. Dans l'heure de pointe qui collait l'ambulance, se croyait le plus fin, à chacun de faire sa chance. Le gars dans l'heure de pointe, avec son arrogance, oubliait que le destin prend toujours sa revanche. Tout autour de lui, les klaxons crient vengeance, jugement ou jalousie, un étrange mélange. Il fait semblant de rien, totale indifférence. Petit sourire en coin, monte le son à outrance. Les sirènes affolées créent de la dissonance. Mais c'est le prix à payer pour que les choses avancent. Ses oreilles qui bourdonnent, cet impact qui élance. Son cellulaire qui sonne, y'en a même pas connaissance. Dans l'heure de pointe qui collait l'ambulance, se croyait le plus fin, chacun de faire sa chance. Le gars dans l'heure de pointe, avec son arrogance, oubliait que le destin prend toujours sa revanche. Paraît qu'il faut se méfier de ses propres manigances. Paraît que ça peut nous mener jusqu'à la démence. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est pas juste des croyances. Parlez-en donc au gars de la grosse Cadillac blanche. Le destin l'a frappé, rendu à sa résidence. Quand il a pris ses messages, laissé à son absence. Je te collègue de votre femme, elle a eu une défaillance. Prise de cœur 9h, elle partit pour l'urgence. Le destin a voulu, quelle coïncidence. Qu'elle suivait sans le savoir, sa blonde dans l'ambulance. Le destin a gâché bien plus que ses vacances. Sa blonde en prendra plus, toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. J'avais un trou dans le pouce et j'étais carottée. Je me suis retrouvée dans ce lodge, la gratte venait de passer. Tu comptais sur 5 doigts et tu étais gauchée. Tu es tombée d'une poche sur le trottoir glacé. J'ai failli me noyer pour te faire écraser. Mais des passants dévoués nous ont accrochés. Moi sur un parcomètre, expiré mais quand même. Pour toi ce fut plus dur, sur un pic de clôture. C'est juste une petite rengaine, plus ou moins réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime, toutes effilochées. avec un happy end qui vient tout rattraper. Je te faisais des tatas de bord en bord de la rue. Tu faisais ton tard là comme si t'avais rien vu. L'air va ramasser en fin d'après-midi. Poursuivant son chemin, elle t'a pris toi aussi. T'as mouillé en tapant dans un sac d'épicerie. L'air du contre-cuir, tu m'as fait sourire. J'ai vu que t'étais pas con. T'as vu que j'étais droitière. On a séché ensemble sur le calorifère. Petite rengaine, à moitié réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime, toute effilochée. Avec un happy end qui vient tout rattraper. Je sais que c'est qu'elle t'aime, mais c'est l'histoire qui me vient. Il va quand on se promène, tu me tiens par la main. C'était Tricot Machine avec la pièce Une histoire de mitaine, précédée d'Ambulance, deux pièces de leur premier album, en fait l'album complet, là, Tricot Machine, là, celui avec des boutons dessus. Là. Oui, la belle pochette en carton avec des trous qui donnent sur des boutons. Oui, c'est très très joli, ben, aussi joli que leur plus récente pochette où il y avait du bricolage à faire en masse, là, mais moi j'aime particulièrement le look qu'elle a des boutons, ça fait bricolage. Hey, ça date de quelle année, ça? Parce que le temps passe vite, hein? Tout à fait. C'est pas écrit en arrière de la boîte. On va regarder dedans, là. Qu'est-ce qu'il y a sur le truc? 2007. Moi aussi, j'aurais misé 2007. Moi, tu vois, c'est mon genre. 2007, ça qui est un... Oui! Et tabarouette, on l'a là. Et toi et moi, là, c'est pour la vie, hein? C'est, yes, sir. C'est ça qui est ça. Donc, c'était le bloc, il était deux fois. Vous aurez compris le principe. Un artiste, deux pièces, c'est quelque chose que vous allez devoir retenir parce que c'est une idée qui va faire du chemin! Avec le temps. Ça va devenir populaire, j'en suis sûr. Ben oui, certainement. Bon, certainement, ça commence déjà. Déjà, les lignes ne dérougissent plus. Là. Ils n'arrêtent pas de rougir, finalement. C'est ça que ça veut dire, ça? Exact. C'est imprenable. Ça ne peut pas être pris. Pas ici. Vous êtes Assemblage Requis, c'est émission matinale en pièces détachées, en compagnie de François-Olivier Marchand et de Mathieu Plante. Faux et Matt. Vrai ou faux? Matt faux. Faux mat. Faux mat, c'est comme un tapis de mousse. Faux mat. J'aime ça. Ouais, je suis pas sûr d'aimer ça tant que ça, mais bon. Pas grave à cette heure-là. Hein? Non. On peut en dire bien des affaires. Exactement. En as-tu une à dire? Écoute, non, mais un peu plus tard dans l'émission, je vais vous parler des nuits polaires avec la programmation qui s'en vient. Mm-hmm. Le festival qui se déroule du 20 au 23 janvier, donc qui arrive à grands pas. Et puis, plusieurs activités qui peuvent être très intéressantes pour les gens qui nous écoutent. Donc, un peu plus tard dans l'émission. Later, alligator. Oui, mais merci. And a wild crocodile. Yay! Hey, on est des vrais anglophones aujourd'hui. Et on continue l'émission avec Yes Ayer. On va entendre une pièce de leur album Hot Blood. Et qu'en dis-tu si on écoute Mon the Green? Yay! Oh, oui. La pièce que j'aime bien. Ah ouais? Oui. Que j'aime bien? J'aime bien. 89 FM, c'est tout! Dans vos oreilles! We'll be right back. everybody's just after us. Everybody's all after us. Everybody's fighting, fighting, fighting, fighting, fighting. Qui est joué. Vois-tu, j'ai même pas porté attention. Ben, tu fais bien. Je te regardais, tu riais. Ah mais oui? Je sais pas pourquoi. Je gâte. Hey Mathieu, je te parle des nuits polaires. Ah ouais! Ben ok. Colin, de même, Fred de même là. Je fais freestyle ces nuits polaires. Ok, vas-y, je te laisse aller. Est-ce que je peux avoir une petite musique de fond? Ah, c'est toi qui as commencé à parler avant la musique. Continue. Mais non, mais ben, je parle plus jusqu'à temps que t'en mettes une. OK. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est assemblage requis jusqu'à 9h. C'est fou! Bon, François, nuit polaire, qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf? What's up, motherfucker? Hey, surveille ton langage, mon ami. Excuse-moi. Hey, OK, je te parle des nuits polaires. Tu sais que les nuits polaires, ça déroule du 20 au 23 janvier. Et ce, 2011. Ah oui, de cette année, oui, en plus. Et puis, cette année, quelques nouveautés, en fait. Ils ont regroupé les Nupalars sous différents thèmes. Soit, en fait, il y en a quatre principaux. Il y a En famille, Tout autour, En ville et puis Au chaud. OK. OK, je t'explique. En fait, là, tu sais très bien que, mettons, la rubrique En famille comporte plusieurs, en fait... Spectacle pour enfants. Ouais, c'est ça, des activités. Ça. C'est ça, exactement. Pour enfants, des jeux gonflables, des glissades, des mascottes, des cartes à pédales. Tout ça, en fait, ça déroule vraiment au centre-ville à Trois-Rivières et c'est gratuit. Donc, ça se déroule le samedi 22 et dimanche le 23. Toute la journée, là, entre 10h et 17h. Donc, voilà. Il y a des spectacles aussi qui s'adressent aux plus petits. On parle, en fait, du samedi le 22 et dimanche le 23. Tonton Ninou. Ça, je connais pas. En fait, là, c'est vraiment pour les enfants, je pense. Et puis, il y a les Vents du Nord. Et puis, les Tireux de Roche le dimanche 23 janvier. C'est de la musique traditionnelle. Oui, c'est ça, exactement. À la scène Cogeco, sur la rue des Forges. Et ça aussi, c'est gratuit. Mm-hmm. Après ça, il y a, en fait, là, Chouette, c'est l'hiver. C'est pour les petits, en fait, qui vont se faire raconter une histoire de Chouette et d'hiver. Ben, c'est cute. Chouette, oh, c'est des contes. Le logo des Nuits polaires, les Chouettes. Oui, oui, exact. Et puis, ça, c'est 5$ par famille au Musée québécois de culture populaire. Et ça se déroule le samedi, le 22 à 14h. Après ça, évidemment, c'est sûr, on continue en famille. Écoute, je te ferai pas la nomenclature. Non, ouais, c'est ça, exactement. En fait, on va passer vite. Il y a des films aussi présentés au Ciné Campus. Je pense qu'il y a des chocolats chouettes. Ah, oh, c'est cute. Ah, ils l'ont l'affaire. Oh, ouais, je pense que oui. Puis c'est agréable aussi l'hiver faire des activités avec la famille aussi là. Ouais. Pour ceux qui s'intéressent, il y a aussi il y a une classique S3 Open Junior. Ça, c'est une compétition de snow et de free ski pour les plus jeunes, 14 ans et moins. Et c'est free ski, ça on dirait c'est russe. Sur la rue Arte et c'est gratuit. Et ça se déroule le dimanche le 23 de midi à 16h, désolé. Donc, si on change en fait de petite section, on va aller plus en ville. En ville, c'est quoi en fait? C'est plus des activités qui s'adressent à moi plutôt à Mathieu. Ah oui, nous, ça? Nous. Nous, ensemble. Écoute, on pourrait y aller. On s'aimera de quoi? wow! En fait, on parle des cracheurs de feu, des amuseurs publics, en fait, là, un peu en... C'est dans la rue. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ça se déroule le vendredi et puis le samedi de 19 à 22h, donc c'est un peu plus tard. Il y a aussi des spectacles. Il va y avoir un feu d'artifice à 19h le vendredi 21 janvier au Parc Portuaire. Ah, c'est le fun, ça. J'aime ça, un feu d'artifice à cette heure-là. Je trouve que c'est bien, au lieu d'avoir à rester debout jusqu'à super tard. Oui, et puis c'est rare qu'on voit des feux d'artifice l'hiver. Oui, oui, ben oui. Moi, je pense que c'est une bonne... c'est une bonne façon d'apprécier l'hiver. Puis là, on saura peut-être enfin si c'est vraiment à cause de ça que les oiseaux sont morts dans le ciel. Hey, c'est bizarre ça, on n'a jamais entendu parler. Écoute, on pourra peut-être s'en reparler un peu plus tard. Pas sûr qu'ici, il va en avoir. Non, non, je pense pas non plus. C'est vraiment bizarre, ça m'a intrigué. Revenons sur les nuits polaires. Vendredi le 21, tout de suite après les feux d'artifice, Éric Masson à 19h30. 20h30, la S3 Classic Open. Ça, c'est la finale du côté des filles. Et puis à 21h, Bobby Besny sur la scène Cogeco, rue Art. Rue des Forges. Et c'est gratuit. Donc, beaucoup de spectacles gratuits. Ça, c'est ouais, fun. C'est bien. Ça, c'est très, très plaisant, en fait. Spectacle le samedi, le 22 janvier, à 19h. Nomadic Massive. Mm-hmm. Je connais pas, en fait. Je sais pas si est-ce que tu connais. Oui, mais je sais pas c'est comme, c'est comme du rap. Ouais. Je sais pas, je me trompe en disant reggae aussi. Là. Si je me rappelle, je veux même pas m'avancer tellement que je suis pas sûr, mais il me semble que c'est quelqu'un de la région. Si je me rappelle bien. Ah ouais? Je crois, mais je suis pas sûr. Ok, ça se passe. 19h30, S3 Classic Open, la qualification pour les gars. Ça, on parle du samedi le 22 toujours. À 20h, Nomatic Massive reviennent. En fait, donc, ils font comme deux parties. 20h15, la S3 Classic Open finale des gars. Pour laisser place à 21h, les Planet Smasher sur la scène Cogeco, rue des Forges, et c'est gratuit. Ça dit Montréalais pour Nomadic Massive, juste pour... OK. Mais ça vient du Québec. Voilà. Merveilleux. Planet Smasher, je trouve que c'est un choix... c'est un bon choix, dans le sens que c'est un groupe de ska. Est-ce que tu connais un peu? Ouais, c'était populaire, il y a quand même un petit bout de mais temps. Mais c'est ce qui m'agace un peu, dans le sens que je sais pas si, en fait, les gens vont être au rendez-vous. Parce que l'année passée, on se rappelle, il y avait Radio. Ouais. Et puis, je me rappelle plus... je pense qu'il venait... en tout cas... Mais encore une fois, je ne suis pas certain de ça non plus. Mais je sais que Radio était là. Et puis, cette année, on laisse place au Planet Smasher. Mm-hmm. on verra de quoi ça va avoir l'air. Voilà. Si on parle de la section au show, ça en fait au show, c'est tout comment je pourrais dire, des activités qui se déroulent à l'intérieur. Donc on parle soit d'un vernissage, d'une exposition. Il y a l'exposition de photos d'ailleurs que Pascal Proulx est venu parler hier dans l'émission Le Dîner de Cons. Oui. Il y a les visites nocturnes, musique nocturne qui est une très bonne chose. En fait, c'est de visiter les centres d'exposition la nuit, en fait, avec une flashlight tout simplement. Donc ça peut être une bonne activité pour les plus petits s'intéresser aux arts. Et des fois c'est pas évident. Mm-hmm. Donc je pense que c'est une bonne façon d'apprécier. Est-ce que ça se pourrait que c'était les trois accords l'année passée ou l'année pas là? Je pense que c'est oui. Bien, ouais. Je pense que oui. Avec Radio aussi. Mm. Ouais. Ah, c'était une bonne programmation l'année dernière aussi. Donc, il y a un spectacle aussi à l'intérieur. C'est Lily Frost. Et puis, c'est un spectacle Porto et chocolat. Ah oui, wow, oui. Avec Lily Frost. Ah, j'aime ça. J'aime le... Lily Frost, tu connais? Ben oui, mais oui. C'est, ce qui est le fun, c'est juste le fait que Frost, c'est de la givre. Ouais. C'est original. Pas l'air. Ouais. Donc, ça coûte 19,77 plus taxes, mais par contre, vous avez le droit à Porto et chocolat sur le spectacle. L'année passée, j'avais assisté à un spectacle, Porto et chocolat, dans le cadre des Nuits polaires, évidemment. C'était qui? Elziane. Ah. C'est une dame qui a fait la trame sonore de Polytechnique. OK. C'est bon, c'est extra doux. En fait, on pourra peut-être l'écouter cette année, mm-hmm. durant l'assemblage requis. Mais j'avais adoré l'expérience, vraiment le chocolat. Et puis tu sais, c'est t'as l'impression d'avoir de la classe, hein? Ouais. Et puis c'est bar open, et puis c'est une très petite bar salle. Open, t'es sérieux? Ben bar open, ben selon une certaine limite là, j'imagine. Ouais c'est ça. Cool. Oui c'est vrai. Puis en fait, il y avait pas beaucoup de monde, on était peut-être environ une vingtaine. C'était extrêmement intime, c'était très très bien. Très, très bien. Et puis, on parle aussi de Jimmy Hunt le samedi 22 janvier à 20h. Jimmy Hunt qui sera présent à la salle Louis-Philippe Poisson, toujours dans le cadre des activités au show, je veux dire à l'intérieur. Donc, c'est 18$ plus taxes. Si vous voulez réserver, vous pouvez d'ailleurs visiter le www.ovation.qc.ca ou appelez au 819-380-9797 Jimmy Hunt qu'on a fait jouer ici à l'Assemblage Requis aussi. Oui, c'est sur le palmarès francophone. Et puis, on a la section tout autour. Tout autour, en fait, c'est vraiment ce qui se passe là, autour du centre-ville. Là, en fait, là. Ça peut aller, on va même au parc de Saint-Quentin, on va aussi à Pointe-du-Lac pour les courses d'auto sur glace. Donc, plein d'activités. C'est intéressant. Oui. Il y a aussi l'initiation au camping nordique. Je porte attention sur cette activité-là parce que je pense que ça pourrait être très intéressant. En fait, c'est vraiment initier les gens au camping nordique. Il y a des comptes qui vont se faire au coin du feu. Et petit déjeuner servi au lit. Donc, camper dehors. Donc, ça peut être vraiment intéressant. C'est 35$ par personne sur réservation. Et ça inclut le petit déjeuner. Et ça se passe au parc Niverville. Donc, ça peut être une très belle expérience. C'est génial tout ça. C'est ça lie à Trois-Rivières, donc c'est vraiment... c'est à encourager, certainement. Oui, certainement. Super. Certainement. Donc, voilà, en fait, pour les nuits par l'heure, je vous rappelle que les dates, c'est du 20 au 23 janvier 2011. Donc, pour information et réservation, vous pouvez d'ailleurs visiter le Nuit Polaire, nuit au pluriel, polaire au pluriel, .ca ou appeler au 819-841-0268. Merci François-Olivier. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. Ah ben, Colin, on s'appelle par nos noms, toi, à radio. Ben, qu'un. Hein, ben, qu'un. Ben, hey, tu vas-tu y aller au Nuit Polaire? Ben, si j'étais du genre à sortir, sûrement que j'irais. Si t'étais capable. Si j'étais, ben là, je suis quand même pas handicapé. Mais ouais, ben peut-être, on va voir. Ouais. Faudrait, ben en tout cas, les activités que tu m'as données là, elles sont intéressantes pour moi, même pour moi. Jimmy Hunt, je pense que ça pourrait... C'est pas parmi celles que je mentionnais, mais ouais, c'est, oui, oui. Ou sinon, Porto au chocolat. Moi, plus celle-là, oui. Ah, ça peut être... C'est très le fun comme expérience de spectacle. Ça m'intrigue. Ouais. Tout à l'heure, on va parler de faits divers. En fait, des choses intéressantes à savoir, des faits véridiques, véritables et vérifiables dans le bloc. C'est un fait. On va parler, entre autres, un petit bloc spécial sur la boxe. Et on va parler de loup. Ah, et de Call of Duty Black Ops. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Oh, j'ai hâte de voir l'effet que tu vas nous sortir là-dessus. Ouais. L'effet sonore. Ça m'intrigue. Mais pour l'instant, on écoute The Bird and the Bee. Voici Diamond Dave sur C'est Fou 89.fm. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières.

slap shot dans ta face. On a-tu l'air en forme, maintenant? On a de l'air. On a de l'air. C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Deligny. Est-ce que j'allais oublier le slogan, mon Dieu? L'émission, l'émission là, le matin, là, avec chose puis l'autre. Là. C'est ce que je fais le matin. C'est quoi ça fait là? Donc, bon retour à vous, deuxième heure. Les petits requins, là, vous allez apprécier cette deuxième heure-là, même si elle n'a pas de chroniqueur. Non. Ce n'est pas une chronique heure. Tu vois, oh. Genre. Ouh, hein? Hein? Ça, c'était de la bombe. Il a l'affaire, hein? Il l'a pas à peu près. Pas à peu près, étant le mot sur lequel mettre l'accent. On commence avec cette deuxième heure, oui, avec The Lovely Feathers. Voici Ossified Home. Yeah! C'est bon, ça. Oh, oh, oh! I'm in a crane and my arms are rusty, rusty. But I am, and I'm searching for my desires. I had a fusion. Find the stamp and burn it in a lantern. Find the stamp and burn it in a lantern. I'm in a crane and my arms are rusty, rusty. I'm in a crane and my arms are rusty, rusty. I am a liar, and I was supposed to have children. I had a future. Shame on the person that called my name. Shame on the person that called my heart. Shame on the person that called my name. Shame on the person that shame on the person that called my name. Ossified Home.

tide on multiple sides, and so you decide you'll have complete control of your whole life. And as long as they don't know, we'll be the masters of pretend. Count me low. I need to see where you make that clock go. 'Cause I got some questions about the world I know and about the difference between real and show. Count me low. Can't rely. I saw your disbelief, your mystified understanding. So am I. Let's make like enemies and disappear. Winter Loves et la pièce Plastic Slides, leur plus récent album en Red à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Dans deux petites minutes, juste après les messages publicitaires, on va parler, François et moi, de quelque chose qui nous intéresse pas mal. Le Kinect! Le Kinect! Assemblage Requis pour toi aujourd'hui! Jusqu'à 9h, c'est fou! Et à chaque fois qu'on va dire Kinect, on va le dire de même. Kinect! Kinect! À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale.

C'est tout pour la chronique CNX aujourd'hui. Prochaine fois, une autre fois. Un autre sujet. On sait pas. Une fois par mois. J'essaye. François? Oui. Est-ce que t'as envie qu'on retourne en musique? Non. OK. C'est moi qui vais choisir dans ce cas-là. Non. T'as raté ta chance. OK. Tu m'as eu avec cette face-là, tu m'as eu. Mais non. Oui, vas-y. On va l'essayer, même s'il n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est un hommage à Kiwan. C'est un hommage à Kiwan. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas. Si c'est trop plate, on l'arrête trop. C'est trop plate, on l'arrête. Ben, on n'est pas dans ce marché-là. Ça, c'est les créneaux de Danny Janvier sur l'heure du midi. C'est pas le nom. Ah non, je sais, mais parce que ça peut être long. OK, bon, on essaye. On va essayer, mettons. Souvent, les premières pièces sont les meilleures, tu penses? Peut-être? Ah, je sais pas. Là. Écoute, j'en choisis pas. Je te laisse aller complètement. OK. On vient avec une pièce qui est un petit peu plus courte que les deux autres dans les trois premières. Voici Elation de Kevin La Liberté qu'on dédie à notre ami Kiwan. Ah, je suis content qu'il n'ait pas chanté, hein. Je m'attendais vraiment à quelque chose à la Julio Iglesias ou. Non, c'était plaisant, il chante pas. Kevin La Liberté avec Elation, pièce titre de son album, ou Elation, j'imagine, hein, peut-être, même si le reste des pièces sont en anglais. Elation, Elation. Elation, c'est bizarre. Et ça, c'est sûrement pas, je sais pas. C'est un mot, je sais pas. Je l'ignore, j'avoue mon ignorance là-dessus. Oh. On va se remettre dans quelque chose d'un petit peu plus assemblage requis. Oui. Quelque chose qui sonne un petit peu plus comme nous. Oui. L'émission Bambi. Qui attaque. Hein? On va entendre Tokyo Police Club. Pardon? Je faisais le son d'un Bambi. Un Bambi. Bambi. Un Bambi. Bambi. Un Bambi. Oui, tu sais quoi? Oui, l'animal. Oui. Un Bambi. D'accord. Bon, écoutez, Bambi. Ah non, mais je non, mais là, sûr que c'était ça que tu voulais tu faire. Tu me dis de faire jouer ça, mais faire jouer ça. Je t'ai pas dit de faire jouer ça. Je pensais que c'était ça que tu jouais. T'es mon boss ici, c'est ça l'affaire. Non, t'aurais pu me dire, Matt, t'aurais pu dire, François, j'ai pas le goût d'écouter Bambi, j'ai le goût d'écouter. Ben, François, j'ai envie de te diversifier la face un peu, parce que je trouve que des fois, on fait jouer les mêmes pièces des mêmes artistes, donc on varie un peu. C'est quoi? C'est une autre pièce de Tokyo Police Club. Elle s'appelle Boots of Danger, entre parenthèses, Wait Up. C'est dans mes préférés, ça. Wait Up! Wait Up! 89 FM, assemblage requis. Rawr! I'm on your team, but I never know when you're not. You never wear shoes without your socks. You never tell anything to me. I'm on your side, but only for a while, of course. You never use words you can't afford. A house with continents inside. So wait up. You never get nervous anymore. So wait up. You never get nervous anymore. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. I never thought it peculiar that you never gave me a smile. I wasn't socially suited to make it worth your while. Oh no, and I never thought it's peculiar that my heart always beats like a drum. Each each time I would see you walk by me, you were as busy as they come. So I sent some flowers to your doorstep and wrote on the card, I love you. I don't know why, but I do know that I had a feeling that you liked me too. So I never thought it peculiar when you stopped to ask me the time. And I don't think it's terribly peculiar, but now, little girl, you are mine. Some flowers to your doorstep and wrote on the card, I love you. I don't know why, but I do know that I had a feeling that you liked me too. So I never thought it peculiar when you stopped to ask me the time. And I don't think it's terribly peculiar that now, little girl, you are mine. That now, little girl, you are mine. That now, little girl, you are mine. When you wake, what is it that you think of most? When your bed is empty, do you really sleep alone? If I am Le plan de demain pour Assemblage Requis, on reçoit Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique Télécharge quoi et les nouveautés musicales du moment. Et tout plein de folie avec François Olivier qui est donc fou. Et Mathieu Plante. Ou... Non, lui est moins fou, pas là. Hey, demain, on reçoit aussi Jimmy qui vient de parler de la maladie de Crohn. Oui, c'est vrai, c'est demain, ça fait longtemps qu'on en parle et là, vous êtes tous intrigués et c'est demain que ça se passe. Hein. Exact. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Plein de bonnes choses, mais on doit se quitter parce que les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Je te souhaite de passer une excellente journée à faire ces belles choses qui sont donc intéressantes. Ben, toi aussi, Mathieu Plante. Mais parle-nous-en pas parce qu'on n'a pas le temps. Non, je t'en parle. Qu'est-ce que t'aurais fait si, mettons, on avait eu le temps? J'aurais reparlé de la Kinect. Mais on n'a pas le temps! Fait que, à demain. Déplaisant, hein? C'est plate, super! Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.